comme ouvrier. Jésus a voulu être ouvrier pour nous apprendre à aimer le travail et à honorer les travailleurs. P comme pureté. La pureté est l'éclat d'un cœur sans péché. Retour d'Égypte. Après quelques années d'exil, un ange vient avertir Joseph qu'Hérode est mort et qu'il peut rentrer dans son pays. Joseph, Marie et l'enfant divin reprennent avec joie le chemin de la patrie. C'est l'obéissance qui les a conduits en Égypte. C'est l'obéissance qui les ramène à Nazareth. Quand on accomplit docilement la volonté de Dieu, on échappe à tous les dangers.